Le Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 10 l'avertissement qui dit notamment « La bande des traîtres de Bakouné en proie à l'hostilité envers les compatriotes lance presque tous les jours les propos de confrontation de système à l'encontre de la demande unanime de toute la nation pour la réconciliation, l'unité et la réunification. » Bakouné parle de symptômes de sérieuses fissures et de changements urgents inquiétants et voire et calomnie notre dignité suprême de manque de connaissances élémentaires et de tyrannie. Elle accuse également notre ligne de promotion parallèle du développement économique et nucléaire, d'isolement et de suicide, qui monte la coopération de pression contre notre République et ne cache pas son ambition d'unification du système avec des paroles absurdes de conduire à un certain changement et de séparation entre les autorités et les habitants. Bakouné doit savoir correctement que parler de symptômes de fissures et de changements urgents est une révélation de son ignorance de notre régime et abandonner les paroles chimériques. D'ailleurs, le brillant développement de notre République qui s'élance tempétueusement vers le sommet de la victoire finale en suivant la ligne de promotion parallèle démontre que ses propos sur l'isolement et le suicide sont des balivernes chimériques. Qu'elle sache correctement que son ambition d'unification du système est une chimère irréalisable et s'abstienne de se conduire témérairement en parlant d'un changement et de la vie de nos habitants. Nous inscrivons toutes les paroles et actes de Bakouné et la condamnerons le plus impitoyablement le jour de la réunification nationale. Bakouné ne tardera pas de connaître les conséquences catastrophiques de ses bêtises sur la confrontation.